compris de l'inocteur d'escorte. En première loge, j'assiste à ton opération. La valeur de Mengele devant cette imagination. Un moment sanctueux car ton cœur m'a encore. Je t'emmène à l'hôpital du docteur d'escorte. En première loge, j'assiste à ton opération. La valeur de Mengele devant cette imagination. Un moment sanctueux car ton cœur m'a encore. Des caveaux ou la crypte d'un cimetière, aiguisant nos couteaux sur la lame d'un cimetière d'une puissance démoniaque que beaucoup sous-estimaient. On est venu les respecter, mais dans l'horreur qu'on prend ce plus violent que nos compasses. On se contente pas de tuer comme les guitares de ce harse. Tu seras d'abord torturé, on te brisera les os pour déchirer tes tendons et puis de la pêche au gros, puisque ta me fait un ton. Quand tu faisais le fier, croyant nos textes inventés, que nos balades dans le cimetière se faisaient toujours dans le respect. À la poursuite de ton corps par un docteur et un porc, tu te sais déjà mort, mais pourtant tu fuis encore. D'abord on vous ligotera avec du fil barbelé, puis au ciseau on coupera ton sexe, oreille et le nez. Couper tes extrémités pour faire de toi un neutron, sentir ta chair croustiller de tes jambes en saucisson. Je t'emmène à l'hôpital du docteur d'escorte. En première loge, j'assiste à ton opération. La valeur de Mengele devant cette imagination. Un moment sanctueux car ton cœur bat encore. Je t'emmène à l'hôpital du docteur d'escorte. En première loge, j'assiste à ton opération. La valeur de Mengele devant cette imagination. Un moment sanctueux car ton cœur bat encore. La surime, je n'existe la supprime. Ses parents se touchant la pine, on devient maître dans le crime. Un pied de bijou, le cercueil, son corner sent plus à rien. Les asticots la laissent pas seule, ils infectent déjà ses seins. Je pénètre ses orifices avec la lame du couteau. Pour toi c'est un supplice, quand le puc ou la flot, le sang coagulé est une pâte marronnasse. Te force à l'ingérer comme un hache de menace. Tu voudrais pouvoir pleurer, mais j'ai cousu tes paupières, les yeux se sont infecté, la couture au fil de fer, les terrains de chirurgie. N'oublie pas que je suis docteur, j'aime pas ta bouche quand tu cries, je t'en fais à la James Tiller. Au scalpel, je t'écorche entre deux opérations, je passerai peut-être à la broche. Je dis mauvais, toi t'es le jambon. Nous on est à la mafia, car rien n'est organisé. On est des chupacabra, des légendes, des meurtriers. Je t'emmène à l'hôpital du docteur d'escorte. En première loge, j'assiste à ton opération. La valeur de Mengele devant cette imagination. Un moment sanctueux car ton cœur bat encore. Je t'emmène à l'hôpital du docteur d'escorte. En première loge, j'assiste à ton opération. La valeur de Mengele devant cette imagination. Un moment sanctueux car ton cœur bat encore.